Abat les jaloux, je m'en fous. Je m'en fous. Ma benaya, je m'en fous. Thank you. papa tika biso abosana famille nani atala likambo balinga boyoka mokili esengi boye nzambe okama wa chaka asoto naleliye ipale nyonso ya mokili ezali kaka pamba baninga toyokana bali tosalisana mokili elingi boye nzambe okama wana lela ndenge nini nazangiye ari mobenga ngai nakolela kala na mwapa kolose mwana mawa mase marceline ngai nakolela kala na mwapa kolose mwana mawa vie est souffrir, la vie est jouer, la vie est combat, la vie est danser, la vie est amour, la vie est lutter, la vie est bouger, bouger, habiller, bouger. Bacana.